suis ce petit test. Je porte mon vécu dans mes jambes. J'aurais voulu grimper, pouvoir entrer dans la légende, franchir le pas. Mon avenir a été projeté. J'étais bon pourtant, toutes les prods n'ont fait que me rejeter. Je rêvais de scène, putain, pouvoir me produire, devancer les plus grands, ainsi me voir m'introduire. Quitter l'espoir, enfin franchir les paliers. J'ai peu d'alliés, seul j'ai dû faire cavalier. Je voyais grand, la vie je voulais laquer gros. Ça rappait trop, au travers les vides du métro. Je me croyais le meilleur, sans arrêt je pensais ses pairs. Au fil des heures frère, la patience j'ai laissé faire. Je croyais en moi, les ambitions bien réelles. Je voulais pas vivre sans voix, les pensions, les APL et les barres PL. Mais qu'est-ce qu'elle c'est elle, elle a rêvé elle. Je vais pas chercher après elle, fallait que je vive de ça. Certainement pas les marchés, mais fallait marcher. Je ne ferais pas sans démarcher, pourtant trop fier. Ce qui m'empêcherait de monter haut, les erreurs grossières, le son tout d'un rodéo. Toutes mes nuits blanches, à me dire mais jusqu'où j'irai. Espérant qu'à l'avenir, mes projets aboutiraient. Je n'ai rien inventé, il est vrai qu'on a rien sans rien. J'ai beau le rapper, y'a pas de secret, je t'apprends rien. Tous les soldats qui croient en eux, en eux-mêmes. Misa, AP, hein, mon pote So, et on lâche rien gros. C'est Venaï, c'est.